Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Hystérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Fun avec mon compagnon, on fait l'amour quasi tous les matins. Bah, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi on se réveille un peu plus tôt pour consacrer un peu plus de temps à ça. Bisous à tout le monde. Mon copain n'est pas du matin avec un petit smiley négatif, c'est dommage. Il y a Anne Bleu à 8 pattes sur le Twitter qui dit non, ma main et moi, nous ne sommes pas du matin. Puisque Toff, ce matin, a décidé de vérifier si eh bien, les gens prenaient le temps de faire l'amour ou pas. Mais oui, parce que moi, je suis tombé sur un article donc, qui donne les 10 bonnes raisons de faire l'amour le matin, genre comme par exemple que ça va bien au teint des filles. Ah, bah que, voilà. ça agit sur le teint des filles de faire l'amour le matin. Bon, on avait appelé tout à l'heure à Anderlu, je crois, c'était plutôt mal passé, hein, puisqu'on t'a traité de fou. Oui, j'ai pas compris pourquoi. Mais on va appeler à Angleur maintenant. Allez, allons-y. Allez, c'est parti, on appelle à Angleur. Je crois qu'ils sont droits là-bas. Je ne sais pas. Non, mais c'était nul ça. Oui. Pour ça, j'ai pas raison. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelais pour vous poser une petite question. Je voulais savoir si vous aviez eu le temps de faire l'amour ce matin. Ça va ou quoi ? Mais oui, tout à fait. Je voudrais juste savoir si vous avez le temps d'avoir un petit rapport sexuel ce matin. Au revoir, monsieur. Merci. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est moi que ça intéresse, madame, pas vous. Ah oui, mais non, ça n'intéresse pas. Bon, on va la rappeler, hein, c'est bah parti. Oui, parce que là, je peux pas y répondre. Ah, c'est ça, c'est dommage. Il y a Jessie qui arrive après aussi. Non. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Voilà, j'ai oui, monsieur, vous avez vu l'heure ? Moi, je dors. Au revoir, monsieur. Mais attendez, est-ce que vous allez faire l'amour tout à l'heure ? Ah, il s'en fout, hein. On va le rappeler encore une fois. Il dort tard quand même, 7h56. Allez, encore une fois. C'est parti. Oui, excusez-moi monsieur, mais vous ne m'avez pas répondu si vous alliez faire l'amour tout à l'heure. Dites monsieur, si vous continuez, j'appelle la police. Ça va, vous commencez à m'emmerder. Aïe. Eh ben, il est en pleine forme, hein. La police. Eh oui, je vais appeler la police, vous m'emmerdez, arrêtez maintenant, vous me faites chier. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et nous allons maintenant effectivement faire péter les meilleurs messages de la ligne anti-relou. Les messages de la ligne anti-relou, c'est ceux qui ont été laissés sur le 0-473-86-00-13. Et c'est simplement un numéro qui est là, mis à votre disposition, à donner à tous les relous que vous croisez. Que ce soit quelqu'un qui vous drague, quelqu'un qui essaye de vous vendre quelque chose, quelqu'un qui vous prend la tête, en fait, tout simplement. En général, vous lui dites, bon, écoute, j'ai pas le temps, mais tiens, voici mon numéro de téléphone. Rappelle-moi cet après-midi, parce que là, je suis vraiment à la bourre et c'est un bon plan pour te barrer. Le mec va dire oh bah cool, quand même son numéro de téléphone, donc ça peut être une affaire qui roule. Écoutez le premier message de ce matin. Ouais, vas-y, tu fais la gueule ou quoi? Attends, j'entends des histoires là, c'est pas bon. Attends, il faut que tu m'appelles parce que là, je suis pas d'accord. Déjà, de un, et de deux, je sais pas pourquoi tu réponds pas à mes appels, c'est quoi ça? Bref, j'aimerais qu'on règle cette histoire au plus vite parce que moi, ça me plaît pas du tout. Sinon, moi, ça va tourner mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça va. Bon, tu réponds, ou bien moi je vais venir chez toi, ou tu vois comment. Bon, bref, c'est ça. Tu vois comment? Ouais, c'est ça. Tu vois comment ça va tourner mal là? Attention, t'as compris ou quoi? Ouais, tu vois. Bon. Deuxième message laissé sur les anti-relous. Faut savoir que Julie, quand on l'a engagée au début, elle parlait comme ça. Hein. On a travaillé sur elle, etc. Elle a dû faire des cours de diction. Et de... Non, maintenant ça va beaucoup mieux. Ouais, hein. Ouais, parce que avant, c'était les infos de Julie, c'était comme ça. Ouais, t'as vu. Ouais, tu vois quoi, l'international, quoi, Berlusconi, il est venu comme ça, il a envoyé Sarkozy. C'est ça, tu vois, là, il a fait de la chanson bientôt, tu vas voir, et tout, ça va déchirer, tu vas voir. Merci, grâce à vous, j'ai repris un peu de classe et d'élégance. Exactement. Non, t'emballe pas. Sans vous, je ne serai rien. Bon, les deuxième message. Coucou, dit Antoine, dit je suis très fâché, on se donne rendez-vous, là tu laisses ton numéro de téléphone, puis tu disparais. Et alors quoi, mon cul n'était pas assez bien pour toi? En plus elle est petite, ta casquette quoi. Salut Antoine. Mais oui, quel champion du monde celui-là. Et puis enfin, le dernier message de Storcy. Léopold, c'est Cathy. Je suis au Café Royal à Chili. Reste aussi. Je t'attends toujours. Désolé, chérie, je t'aime. Bon, parfait. Et ben voilà, c'était les meilleurs moments de la ligne anti-relou. Je vous rappelle que cette ligne est là pour vous. 0-473-86-00-13. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Radio. Nous allons faire la déclaration express maintenant. Alors, on n'arrive pas à joindre le mec, ça faisait longtemps, tiens. Oui, qui s'appelle David. Qui s'appelle David, exactement. Mais nous allons appeler directement la fille qui, elle, s'appelle comment ? Qui s'appelle Marie. Qui s'appelle Marie, très bien. Allez, c'est parti. Marie, on appelle tout de suite. C'est une déclaration express, mais tu sais pas si c'est ici, ils sont ensemble, déjà ou pas. Non, je sais que c'est. Bon, que Marie est une cochonne. Non, et non, après, c'est bon, non, merci, c'est bon, ouais. Bon. Et donc, lui, il s'appelle comment, tu m'as dit ? Il s'appelle David. David, c'est vrai. David et Marie. Ouais, a priori, il a du bide. Et après. Des trucs que je me suis laissé dire. Enfin, c'est bon à savoir. Allô. Allô, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Marie, s'il vous plaît ? Il y a une erreur, monsieur. Comment vous dites ? C'est une erreur. Ah, c'est une erreur. Ah, ah bon, bah tant pis. Alors, bah c'est pas grave. Bah désolé. Hein. Au revoir, monsieur. De rien. Au revoir. Au revoir. Oui. Aïe, voilà, aïe, hein, est-ce donc, que toi fais de main gauche ou oui, est-ce je que pense, exactement, l'homme oui. ne sait pas écrire. Je pense. Alors. Bon, on va retenter l'affaire. Je rappelle immédiatement. Voilà, et sinon, bah, on refera le jeu tout à l'heure ou lundi, hein, bah tant pis. Hein, sinon, ah oui, c'est moi qui sais pas écrire, dis donc. Ah, ah voilà. Il me semblait bien, tiens. Bon, allez, c'est parti, on rappelle Marie. Ça m'étonne tellement pas. Ouais, bah c'est ça, moi non plus. Heureusement que je suis un petit peu là pour relever le niveau. T'as raison, ça doit être ça le problème. C'est nous qui t'avons tout appris. Mais ouais, c'est ça, je te rappelle qu'avant tu parlais. Ouais, je suis en place, tu vois. Ouais, des infos comme ça et tout ça, t'as vu. Attends. Mais s'appelait le mec, je David. Oh là là, allô. Allô Marie. Oui. Bah, bonjour Marie, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Dis-moi Marie, je t'appelle de la part de David pour une déclaration express, t'es au courant? Non. Eh ben écoute bien, il avait quelque chose à te dire. Tu sors déjà avec lui ou pas? Non. Non, bah écoute, il a peut-être un truc à te dire, tiens, ça va peut-être venir, tiens, écoute. T'entends là? Oui. Ah bah écoute bien. Aujourd'hui ça doit bien faire 3 mois que je suis venu dormir dans ton lit. Ouais, j'avais une gastro, souviens-toi. Si bien que j'ai eu la chiasse toute la nuit. Romantique. De l'imodium tu n'en avais pas. J'ai cru que j'allais perdre la vie. En plus dans tes toilettes il faisait froid. C'est pour ça que dessus je poussais des cris comme aïe aïe ouh aïe aïe ouh aïe aïe ouh aïe aïe. La question c'est qu'a-t-il voulu dire dans cette déclaration? Je ne sais pas. Grande classe. Il a voulu dire aïe aïe aïe aïe. Probablement il a voulu dire. Voilà. Bon ben voilà Marie, je ne sais pas ce qu'il veut te dire avec cette déclaration, mais j'espère que tu as compris le message. Oui, parfaitement bien, parfaitement bien. C'est quoi le message? Parce que nous, on voudrait bien savoir. Bah, mets du chauffage, dans les chiottes. En fait, je vais expliquer un peu l'histoire. David et moi, on se fréquente, on se voit de temps en temps. Ouais. On peut se considérer comme des sex friends, quoi. Voilà, d'accord. Okay. Ah, pas de problème, alors le message est passé, il n'y a pas de problème, le message Marie. Est très clair, alors. Et ben voilà, ben, gros bisous, Marie. Hein. Ben, gros bisous à vous aussi, salut Marie. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Nous avons Sébastien Loeb là en direct de je ne sais où là pour un petit réveil à Belgique. Allô Loeb. Ça va? Par contre, c'est lui qui m'a réveillé ce matin. Ouais, il va se réveiller lui-même, je pense. Ouais. Il a du mal. Bon, alors, t'es où, Loeb? Alors, je suis chez Bruno, donc c'est grâce à Mani qui voulait réveiller son épouse. Alors, il m'a fait un mail et il m'a dit voilà, mon épouse a été dormir très tard, va souvent dormir très tard, donc si tu peux venir la réveiller. Il faut un petit peu de boucan, elle risque de se fâcher. Très bien. Donc, maintenant, on va tout doucement faire la chambre. Comme je dis hier, ne crie, tu peux crier, mais pas trop longtemps, parce que sinon, on n'entend pas la réaction de la petite. Enfin, de la femme, en l'occurrence. Ça va, okay. Allez, vas-y. Alors, elle dort. Ah oui, elle dort bien profondément. Ah oui, bah oui. Bah, plus pour longtemps. 1, 2. Je rappelle qu'il a toujours un mégaphone, hein. Oui. Comment va-t-elle? Oui, Comment va-t-elle? Lob. Allô. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Bon réveil. Bah oui, attends, bah oui, je suis réveillé. Non, je dis bon réveil. Mais il est débile, c'est pas possible. Tu sais qui a commandité ça? Pardon? Tu sais, est-ce que tu sais qui a commandité ceci? J'ai pas compris. Mais commandité, c'est un mot un petit peu difficile. Est-ce que tu sais qui a voulu se réveiller pour ouais, qui a demandé à Fun Radio qu'on te réveille de cette manière-là? Je suppose que c'est mon mari. Bah oui. Connard. Bah oui. Il va falloir falloir te venger, hein. Ouais, vraiment, connard. Je me mangerai. Promis, je me mangerai. Bon, bah très bien. Avec nous, j'espère. Bon, bah en tout cas, bonne journée, mais il va falloir prendre la douche maintenant, hein. Ça va, ok, merci. Pense à faire l'amour sous la douche, ça te mettra de bonne humeur. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio.